إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui donc on va commencer le cours numéro 2 dans l'explication de la aqida de l'imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et donc on avait fait au cours dernier, on a fait un résumé, on a expliqué un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à travers les siècles dans la Umma, on a expliqué un petit peu par rapport à la da'wa du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, à quelle époque elle a commencé, à quelle époque elle est arrivée, puis dans quel contexte ça s'est produit, puis les impacts et les effets que ça a eu à son époque. Par la suite, alhamdoulilah, la da'wa du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, elle s'est propagée encore plus, maintenant elle est répandue dans le monde entier. Hein, alhamdoulilah. Donc c'est pour dire, là maintenant on va commencer à lire cette aqida ensemble, pour voir qu'est-ce que le Cheikh a dit au sujet de qu'est-ce que c'est sa aqida, puis on va lire en même temps l'explication de chaque point par le Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et on va voir en même temps que les gens qui l'accusent, hein, et les gens qui parlent contre le chef et qui attaquent le chef, on va voir qu'en réalité, ces gens-là, ils n'ont aucun point sur lequel ils se basent, qui sont sérieux pour le critiquer. Parce que le chef, il n'a fait qu'exprimer et enseigner la aqida de Ahl-Sunnah wal-Jama'a à travers les siècles. Donc, le chef, il dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية, قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القسيم لما سألوه عن عقيدته بسم الله الرحمن الرحيم أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة. Donc le cheikh الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, il a dit dans sa lettre qu'il a écrit pour les gens de Qasim, lorsqu'on lui a demandé au sujet de sa aqida, il leur a écrit une lettre pour leur expliquer et pour répondre à leurs questions au sujet de sa aqida. Donc il a commencé la lettre en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il a dit je prends Allah comme témoin, ainsi que ceux qui sont présents parmi les anges, et je vous prends comme témoin que je crois à la aqida du groupe sauvé et de qui est Ahlus Sunnah wal Jama'a, que je crois à la aqida du groupe sauvé al firqatu najiya Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc on va lire l'explication de cette introduction. Le cheikh il dit qawluhu ushhidu Allah wa man hadarani min al mala'ika wa ushhidukum كأن هذا مأخوذ من قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط, فهو يشهد الله جل وعلا ويشهد الملائكة ويشهد العلماء على عقيدته أنه ما جاء بشيء جديد أو بتغيير لدين الله كما يقال عنه وإنما جاء بالحق الصريح. Donc le chef il commence en disant que le chef Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a pris comme témoin Allah ainsi que les anges et également ceux à qui il s'adresse, hein, il nous prend également comme témoin. Et on dirait que le chef il a pris ça du verset 18 dans sourate Al-Imran, en lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit que Allah témoigne, ou Allah est témoin que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, ainsi que les anges et ceux qui détiennent la science. Donc, le cheikh il dit, il prend Allah comme témoin, de même que les anges, il prend les anges comme témoin, et il prend les ulama comme témoin de sa aqida, hein, et du fait que ce qu'il a cru et ce qu'il a amené, ça ne fait pas partie de quelque chose de nouveau. Il n'a rien amené de nouveau, et il n'a rien changé de la religion d'Allah, contrairement à ce que certains essayent de prétendre. Hein, il n'a fait que ramener la vérité, il n'a fait qu'amener que la vérité qui est claire. Hein. Il n'a rien amené, et souvent vous allez voir les détracteurs et les gens qui attaquent ou qui critiquent la aqida du chef ou bien le manhaj du chef, ou qui parlent contre les wahhabiyas, ceux qu'ils appellent wahhabiyas, et qui critiquent la aqida des ulama de l'Arabie Saoudite, ils les critiquent sur des choses qui ne sont pas des critiques en réalité. Hein, parce qu'ils ne peuvent rien amener d'erreur claire, hein, contre la da'wah du chef Mohammed ibn al-Wahhab, puisque la aqida qu'il a ramenée, c'est la aqida du Coran et de la Sunna. Donc le cheikh il dit qu'il n'a rien ramené de nouveau, contrairement à ce que les gens prétendent, que c'est la vérité claire. Après il dit « wa qawluhu »« Anni a'taqidu ma'taqadathu al-firqatu al-najiya »« Aqidatu al-firqatu al-najiya »« Hiya allati qala fiha al-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam »« Fatafteriku hazihi l'umma ala 73 firqa »« Kulluha fi al-nari illa wahida »« Qalu man hiya » قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. Donc le cheikh il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a dit et je crois et ma aqida c'est la je crois en la même chose ou j'ai la même aqida que la aqida de al-firqatul najiya. La aqida de al-firqatul najiya, firqa ça veut dire le groupe et al-najiya ça veut dire celle qui est sauvée. Sauvé de l'enfer. Donc, la aqida du groupe sauvé, c'est la aqida au sujet du groupe au sujet duquel le prophète Hassan a expliqué que sa umma allait être divisée en 73 sectes. Et il a dit que parmi les 73, 72 d'entre elles seront dans l'enfer et une seule sera au paradis. Parmi les 73, une seule sera au paradis. Et les sahaba ont demandé laquelle est-elle au messager d'Allah, et il a répondu, c'est ceux qui ont suivi mon exemple et qui ont suivi ce que mes compagnons ont suivi, ou qui sont sur ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons. Donc ça c'est rapporté par Al-Tirmidhi dans son Sunan et par Al-Hakim, également dans Al-Mustadrak, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et c'est rapporté également par Ibn Hibban dans son Sahih et Abu Daoud dans son Sunan, selon Abu Huraira, et il est rapporté également dans d'autres livres par d'autres Sahaba également. Si tu regardes dans As-Sunnah de Ibn Abi Asim, tu vas le trouver également. Et c'est un hadith qui est authentique, hein, malgré qu'il y en a beaucoup parmi les Hizbiyyin qui essaient de déclarer que ce hadith-là n'est pas authentique, mais il est authentique. Et ils pensent qu'en critiquant le hadith ou en essayant de le déclarer faible ou pas authentique, ils pensent qu'en faisant ça, ils vont résoudre le problème de la division de la Umma. Mais la division de la Umma, c'est un fait. C'est un fait qu'on ne peut pas nier. Et le fait de nier le hadith, ça nie pas la réalité dans laquelle la Umma se trouve. Et le hadith, en réalité, il est un hadith qui nous incite à ne pas nous diviser en réalité, puisqu'il nous appelle à rester sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des sahaba qui eux étaient tous réunis sur la vérité. Donc de ne pas faire partie des groupes qui ont quitté cette voie qui est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie des sahaba. Ensuite il dit wa summiyat an-najiya li'annaha najat min an-nar wa kullu hadhihi al-firaq fi an-nar illa hadhihi al-firqa wa hiya an-najiya min an-nar. Donc le chef il dit qu'on l'appelle Al-Najiya, on l'appelle le groupe sauvé, parce qu'elle est sauvée de l'enfer. Et donc toutes ces firaqs, elles sont dans l'enfer, excepté une, et c'est le groupe sauvé, et voici ses descriptions. Donc le chef il va donner quelques descriptions de ce groupe-là. Avant de donner cette description-là, il faut juste comprendre une chose aussi, c'est que quand on dit qu'ils sont ces groupes-là, que dans les 73 sectes, ils vont, il y en a une qui va aller au paradis, ça ne veut pas dire que toutes les 73 autres vont être éternellement dans l'enfer. Mais ça veut dire qu'elles méritent l'enfer, du fait qu'elles ont adopté certaines formes de bid'ah. Hein. Et parmi ces 73, comme le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz l'a expliqué, et beaucoup d'autres chouyouks, ils ont dit qu'il y en a parmi ces 73 qui sont des groupes qui sont en dehors de l'islam, il y en a d'autres qui sont dans l'islam, qui ont fait des bid'ahs, mais qui n'ont pas sorti de l'islam. Donc ceux-là, ils ne vont pas rester éternellement dans l'enfer, parce qu'ils n'ont pas commis de shirk, ils n'ont pas fait de kufr. C'est juste qu'ils ont innové, ils ont dévié, ils ont ramené des contradictions hein, dans leur pratique et dans leurs croyances parfois. Donc à cause de ça, ils ont dévié, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement sortis de l'islam. Donc, mais c'est juste de comprendre qu'il y en a un groupe qui est le groupe sauvé, et c'est ce groupe-là qui va rentrer directement au paradis, qui n'est pas menacé par cette menace de l'enfer. Maintenant, en ce qui concerne les descriptions du groupe sauvé, le cheikh il dit « Awalan annaha najiya ». Premièrement, c'est le groupe qui est sauvé, c'est la première description. Elle est sauvée, cette secte, ce groupe. Deuxièmement, « Annahum ahlu sunnah » الذين يأخذون بالسنة وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تعني القرآن وتعني الأحاديث الصحيحة وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان من أهل وما كما قال وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي لم يأخذوا بمذهب الجهمية أو المعتزلة أو الخوارج أو غيرهم من الفرق وإنما أخذوا منهج أهل السنة المتمسكين بالسنة. Donc la première description c'est qu'ils sont les gens de la sunna. C'est-à-dire qu'ils s'accrochent et qu'ils prennent la sunna. Et quand on dit sunna ici, on parle de la voie du prophète صلى الله عليه وسلم, l'exemple du prophète صلى الله عليه وسلم dans tous les aspects de la religion. C'est pas comme certains s'imaginent, par exemple, quand quelqu'un il dit ah c'est un frère sur la sunna, le frère il est sur la sunna, et quand tu leur dis le frère il est sur la sunna, qu'est-ce qu'il pense ou à quoi il s'imagine? Il s'imagine le frère qui porte un qamis, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il s'imagine le frère qui porte le qamis, qui porte la barbe, hein, et pour eux c'est ça le frère qui est sur la sunna, alors que être sur la sunna, ça ne se limite pas à ça. Quelqu'un peut être habillé comme ça et porter cet habillement-là alors qu'il est en dehors de la sunna. Peut-être qu'il fait partie des gens de bid'a et qu'il s'habille comme ça. Donc, être sur la voie de la sunna, ce n'est pas ça que ça signifie. Être sur la sunna, ça veut dire non seulement d'avoir l'apparence, de porter la barbe ou le qamis, ou bien de porter les vêtements qui sont en accord avec la sharia, mais aussi, ça veut dire également de suivre l'islam et de suivre la compréhension de l'islam qui était suivie par les sahaba, et de pratiquer l'islam selon la façon comment elle a été comprise par ceux-là à leur époque, hein, et d'être sur leur manhaj, d'avoir la même aqidah que eux en premier, d'être sur le tawhid, ensuite de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de s'écarter des innovations et des bid'ah, et non pas juste de s'habiller d'une manière ou d'avoir une certaine apparence, parce que ça c'est pas suffisant, et également de se désavouer de tous les groupes de bid'ah qui sont apparus, hein. Donc ça veut dire de suivre le Coran et les hadiths authentiques qui nous décrivent sur quoi se tenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le cheikh il mentionne le hadith, celui qui suit, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le groupe sauvé c'est celui qui suit mon exemple, hein, ce que moi je suis, ainsi que mes compagnons. Hein, ils ne vont pas suivre la voie des Jahmiyyah ou des Mu'tazila ou des Khawarij ou des autres sectes qui sont apparues. Ils suivent uniquement le manhaj de la Sunna et ils s'accrochent à la Sunna. D'accord? Donc, ça c'est un résumé. Et ça c'est un synonyme de Salafiyya. Quand on parle de la Salafiyya, c'est ça que ça veut dire, d'être sur la Sunna. Ok? Donc c'est ça. Ensuite, le Cheikh dit troisième quatre caractéristiques. C'est Wal Jama'a. La quatrième caractéristique du groupe sauvé, c'est qu'ils sont décrits comme étant Al Jama'a. Et le Cheikh il explique, il dit Summu Bil Jama'a, لأنهم مجتمعون على الحق وليس بينهم اختلاف. لا يختلفون في عقيدتهم وإنما عقيدتهم واحدة وإن كانوا يختلفون في المسائل الفقهية والمسائل الفرعية المستنبطة وهذا لا يضر الاختلاف في الفقه لا يضر إن لأنه ناشئ عن اجتهاد والاجتهاد يختلف والاجتهاد يختلف والناس ليسوا على حد سواء في ملكة الاجتهاد أما العقيدة فإنها لا تقبل الاجتهاد بل يجب أن تكون واحدة لأنها توقيفية قال تعالى إن هذا أمتك إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هذه أمة واحدة لا تقبل الاختلاف تعبد ربا واحدا وفي الآية الأخرى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون donc le cheikh explique que la jama'a on les a appelés la jama'a ce groupe là Ahlus Sunnah wal Jama'a on les a appelés comme ça pourquoi parce qu'ils sont réunis sur la vérité il n'y a pas de division entre eux il n'y a pas de divergence entre eux ils n'ont pas de divergence dans leur aqidah leur aqidah est une aqidah unique hein même si parfois ils vont être divergents dans certaines questions de fiqh et certaines questions d'ijtihad mais ça c'est pas quelque chose qui vient en contradiction avec la base et les divergences dans le fiqh ça c'est pas ça qui vient faire c'est pas ça qui nuit pourquoi parce que c'est des divergences qui sont basées sur l'ijtihad et quand c'est basé sur l'ijtihad ça crée pas des divisions entre les musulmans La division, c'est quand on se sépare de la vérité, quand on quitte la vérité, puis on se divise au sujet de la vérité, hein, par rapport à notre aqidah, par rapport à ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis en même temps, bon, le cheikh il mentionne ici les divergences dans le fiqh, ça, il dit que ça ne nuit pas. Bien entendu, il faut faire attention quand on parle de fiqh. Le cheikh il spécifie parce que ce sont des questions de divergence, ou ce sont des divergences qui sont qui viennent ou qui découlent d'un ijtihad. Et donc, il faut comprendre que quand on parle d'ijtihad, on parle des sujets qui n'ont pas de texte clair à leur sujet, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Et donc, les ulama utilisent ils font des analogies, puis ils utilisent leurs raisons, et ils utilisent les fondements et les principes de la charia pour extraire des verdicts des textes, hein, selon les règles et les principes. Donc, c'est pas des questions qu'ils vont diverger sur des choses qui sont claires et des textes qui sont clairs parce que les divergences sur ces questions là c'est quelque chose qui est contradictoire au fondement de l'islam on n'a pas le droit de diverger sur des choses qui sont par exemple claires dans les textes du Coran et de la Sunna ou bien sur des questions qui sont sur lesquelles il y a une ijma hein, sur des questions sur lesquelles il y a un consensus des salafs on n'a pas le droit de diverger sur ces questions là Donc, comme le frère explique, même dans les divergences qui peuvent arriver entre les gens de Ahl al-Sunnah ou al-Jama'a dans les questions d'Ijtihad, dans les questions de fiqh, eh ben, ils sont réunis quand même dans ces questions-là, parce qu'ils ramènent leurs divergences au Coran et à la Sunnah. Comme Allah dit dans le Coran, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ Ramenez-le à Allah et aux prophètes, hein, aux messagers. Donc, ça c'est clair. Le cheikh, il dit aussi que, donc, notre aqidah, c'est une seule aqidah, même si on diverge dans les questions d'ijtihad et de fiqh. Parce que c'est pas tout le monde qui a le même degré de maîtrise de l'ijtihad et de compréhension des textes. Et donc, c'est normal qu'il y ait des différences et des divergences entre les gens dans leur jugement et dans leur ijtihad. Donc, ça, c'est clair. Mais, en ce qui concerne l'aqidah, il n'y a pas d'ijtihad dedans. La règle, c'est que tu prends les choses telles qu'elles sont dans les textes et tu y crois. C'est tawqifiyya, c'est-à-dire tu dois t'arrêter au texte et tu ne dois pas dépasser qu'est-ce qui est dans le texte. Tu acceptes ce qui est dans le texte et c'est tout. Tu fais pas tes propres analogies, tes propres jugements sur la question de la foi ou de la croyance islamique. Donc, on est obligé d'être d'accord sur les questions d'aqidah et d'être tous unis dans les questions d'aqidah. Qu'est-ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont une aqidah qui est contraire à la aqidah d'Ahl-Sunnah, et qui est contraire au texte du Coran et de la Sunna, et ils veulent imposer aux autres de s'unir alors qu'ils sont en contradiction dans les questions d'aqida. Il y a quelqu'un qui est sur l'aqida des Soufiyin, l'autre qui est sur l'aqida des Asha'ira, l'autre qui est sur l'aqida des Khawarij, ainsi de suite, ou des Murji'a, et puis après ça, il dit, on n'a pas de divergence dans l'aqida. C'est pas vrai. Ils sont en train de se séparer d'Ahl Sunnah wal Jama'a, puis après, ils prétendent qu'on doit tous s'unir. On doit corriger nos erreurs quand on a des erreurs dans l'aqida, quand on est dans une aqida qui est en contradiction avec l'aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a, il faut corriger cette aqida pour revenir à la vérité. Il ne faut pas persister, puis de prétendre ça, parce que j'écoutais des fois certains prêcheurs qui parlaient, ils disaient, nous, les musulmans, on est tous d'accord sur l'aqida. Et c'est étonnant, parce que lui-même, il est dans un groupe de bid'a, et qu'il a une aqida de bid'a. Comment il dit, on est tous d'accord sur l'aqida? Ou bien ils disent, les quatre imams, les quatre madahib sont tous d'accord sur l'aqida. Ok, comment ça se fait que maintenant, vous dites que c'est vrai, les quatre imams des madahib, ils étaient tous des salafis. Ils étaient tous sur l'aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais comment ça se fait que vous, quand vous parlez des Shafi'iyah, vous dites que ce sont des Asha'ira. Quand vous parlez des Ahnaf, vous dites que c'est des Maturidiyah. Et les Malikiyah, la plupart, vous dites que ce sont des Asha'ira. Donc, comment vous dites que les quatre imams étaient tous unis sur la même aqida et vous n'êtes pas sur la même aqida? Et vous n'êtes pas sur la même aqida entre vous, mais vous n'êtes même pas sur la même aqida que ceux à qui vous attribuez ces quatre écoles. Donc il y a une contradiction, Donc ça c'est des exemples, ok. Après le cheikh il donne des exemples. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit, cette umma, votre umma elle est une umma unique, elle est une seule umma. Et moi je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. Donc ça c'est le verset 92 dans sourate Al-Anbiya. Et le cheikh il dit donc que cette umma elle n'accepte pas la divergence. Elle n'accepte pas la divergence, on doit adorer un seul Seigneur unique. Et comme Allah il le dit dans le verset 52 et 53 dans sourate Al-Mu'minun, cette umma, votre umma elle est une umma unique et moi je suis votre Seigneur, alors craignez-moi. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. كل حزب بما لديهم فرحون. Mais ils se sont divisés en sectes. فتقطعوا بينهم زبرا. Chaque secte exultant ce qu'elle détenait. Ça c'est la traduction qui est dans la traduction du Coran. Maintenant on va voir l'explication de tafsir que le cheikh il nous donne. Le cheikh dit زم الذين كل حزب بما لديهم فرحون. C'est-à-dire mais ils se sont divisés en sectes. Chaque secte exultant ce qu'il détenait. C'est-à-dire, chacune d'entre elles, d'entre ces sectes, elle se réjouit de ce qu'elle a. Lima ladayhim farihun. Farihun, c'est-à-dire, ils sont contents. Donc, chaque groupe, ils sont contents de ce qu'ils ont avec eux. Ils disent, nous, on est meilleur que vous, ou bien on est sur la vérité, et vous, vous n'êtes pas sur la vérité. Donc, ça, c'est des exemples. Le cheikh, il dit, zamma alladhina ikhtalafu. Li'anna al-ikhtilaf, c'est l'aqida la yajouz. فالله أمرهم أن يكونوا أمة واحدة فعصوه فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا أي كتبا كما قال قتادة ومجاهد كل واحد عنده كتاب وكل واحد عنده عقيدة وعقيدة هذه غير عقيدة هذا غير عقيدة هذا كل حزب بما لديهم فرحون كل يرى أنه على الحق وأن غيره على الباطل لا يقول نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر بل كل يقول إنه على الحق وحده وكل حزب بما لديهم فرحون مقتنع بما لديه بل متعصب له ولا يرى أن قوله عرضة للخطأ والصواب. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui ont divergé. Et ça, il y a beaucoup d'autres versets qui montrent que ceux qui divergent sont blâmés dans le Coran. ok. Mais ça, c'est un d'entre eux. Et ils, donc, ceux qui ont divergé, ils sont blâmés. Parce que la divergence dans les questions d'aqida et dans les fondements de l'islam, ça, c'est pas permis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné d'être une seule umma. Mais il y en a qui ont désobéi. فَتَقَطَّعُوا بَيْنَهُمْ زُبُرًا. Ils se sont divisés tous ensemble. Zubura. Et on va voir que le cheikh il dit que Zubura, ça veut dire Kitaban, comme Qatada et Mujahid. C'est-à-dire, ils se sont tous écrit des livres, chacun d'entre eux. Chacune d'entre ces sectes, elle s'est écrit des livres pour résumer leur croyance ou leur, leur secte. Hein. Et c'est ça que le cheikh il dit. كل واحد عنده كتاب. وكل واحد عنده عقيدة. Donc, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Les Asha'ira, ils ont leur livre d'aqida. Les Mu'tazila, ils ont leur livre d'aqida. Les Ahbash, ils ont leur livre d'aqida. Les Khawarij, ils ont leur livre d'aqida. Les Murji'a, ils ont leur livre d'aqida. Tous les sectes et les gens qui sont déviés, ils ont tous leur livre à eux d'aqida et ils sont tous en train de déclarer les autres égarés par rapport à eux. Hein? Puis il y a les livres d'aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a qui les trouvent de toutes les époques. La même aqida, le même manhaj. Hein? Donc, le cheikh il dit, ils ont tous leur aqida et c'est toute une aqida différente les unes des autres. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Chaque groupe est content de ce qu'il a avec lui, chaque parti est content de ce qu'il a avec lui et il considère que l'autre, que lui il est sur la vérité et que l'autre est sur le faux. Et il ne dit pas, il n'y en a aucun d'entre eux qui dit on va retourner au Coran et à la Sunna pour trouver la vérité. Hein? Ils se basent juste sur qu'est-ce qu'ils ont avec eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala pourtant il dit dans le verset 59, et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et au messager. Si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. Donc, chacun de ces groupes-là, chacun de ces individus-là, ils disent, moi je suis sur la vérité, c'est moi tout seul qui ont la vérité, et ils sont tous contents, chaque parti est content de ce qu'il possède, et chacun est convaincu de ce qu'il a avec lui, et chacun est fanatique même pour ce qu'il possède avec lui, et il s'accroche aveuglément à ça, et il voit, il ne considère pas que ce qu'il dit est susceptible d'être vrai ou faux. Il est accroché à son idée, puis il ne veut rien voir d'autre. Ensuite, le cheikh, il continue à expliquer sa aqida. Hein, il dit, donc, comme il a dit au début, que sa aqida, c'est la aqida du groupe sauvé, Ahl Sunnah wal Jama'a. Puis après, il rentre plus en détail. Il dit, من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. Donc il résume les articles de la foi. Il dit que l'aqida du groupe sauvé, c'est de croire en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, à la résurrection après la mort, et de croire en Al-Qadar, en ce que Allah a prédestiné pour nous, que ce soit de bien ou de mal. Et il dit, le cheikh Fawzan il explique, لهذه أصول الإيمان وأركانه يؤمن بها الشيخ وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه فقال أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال العلماء هي أركان الإيمان. Donc le cheikh il dit que le cheikh il a dit ça c'est les six piliers de la foi. Ça c'est les six piliers de la foi, les fondements de la foi et les piliers de la foi. Le cheikh il croit en ces piliers-là. C'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et l'iman bil-qadar, de croire en al-qadar, le bien et le mal, de qu'est-ce que Allah a prédestiné pour nous, que ce soit bien ou mal. Et il a mentionné que ça c'est dans le hadith de Jibril, lorsque Jibril est venu voir le professeur sallam en compagnie de ses compagnons, et puis qu'il lui a demandé au sujet de la foi. Alors le professeur sallam a répondu que c'est de croire en Allah, hein, l'iman, la foi, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier et de croire en Al-Qadar. Et ensuite le cheikh il dit que les ulama ont dit que ça c'est les piliers de la foi. Donc ça c'est les piliers de la foi. Et ça c'est un hadith authentique, hein, le hadith de Jibril, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Après le cheikh il dit والإيمان له أركان وله شعب أركانه ستة وشعب وشعبه أركانه ستة وشعبه بدع وسبعون أو بدع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فالإيمان له شعب كثيرة أما أركانه أي جوانبه التي يقوم عليها فهي ستة أركان. Le chef il dit que la foi elle a des piliers et elle a des branches. Elle a 6 piliers mais les branches elle en a 70 et quelques ou 60 et quelques. D'accord? La meilleure parmi la meilleure d'entre ces branches c'est de dire la ilaha illallah et la plus basse c'est d'enlever quelque chose qui bloque le chemin ou qui nuit aux gens sur le chemin, qui est une cause de nuisance pour les gens sur le chemin. Tout ça, ça fait partie de la foi. Et ensuite, le cheikh il dit que la foi, elle a beaucoup de branches, mais ses piliers sont de 6. Hein, c'est-à-dire les piliers sur lesquels tout le reste est basé sont de 6 piliers. الركن الأول الإيمان بالله وهو الأساس. الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات. Le premier pilier c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la base. C'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et ça comprend les trois catégories de tawhid. توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الربوبية c'est la souveraineté d'Allah. الألوهية c'est l'adoration. Et al-asma wa sifat, c'est les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-rukn al-thani, al-iman bil-malaika, annahum ibad min ibadillah. La yasbiqunahu bil-qawl, wa hum bi-amrihi ya'tamirun. Khalaqahum min nur, wa hum min alim al-ghayb alladhina la narahum. ولكن نؤمن بهم وقد جعلهم الله أصنافا كل صنف من الملائكة له عمل يقوم به في هذا الكون فمنهم الحفظة الذين يحفظون أعمال بني آدم ويكتبونها وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ومنهم حملة العرش ومنهم الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام ومنهم الموكل بالقطر وهو المكيال ومنهم الموكل بالموت وهو ميكال وميكائيل ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل ومنهم ومنهم الموكل بالموت وهو ملك الموت ومعه ملائكة الموت ومنهم أصناف لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو جنود الله كثيرة عز وجل. Donc le chef il dit qu'il faut deuxièmement croire en les anges, les malaïka, et les anges sont des adorateurs d'Allah سبحانه وتعالى. Parmi ses serviteurs. Ils ne peuvent pas le dépasser, le devancer par la parole. Ils ne peuvent pas devancer Allah par la parole. Et ils agissent uniquement par son commandement. Allah les a créés de lumière. Et ils font partie du monde de l'invisible qu'on ne peut pas voir. Mais on croit en eux, même si on ne les voit pas. Allah subhanahu wa ta'ala les a fait en catégories. Chaque catégorie d'anges ont un travail, une tâche qu'ils doivent accomplir dans l'univers. Parmi eux, il y a ce qu'on appelle al-hafaza. Ce sont les anges qui gardent les actions des fils d'Adam et qui les écrivent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans Surat al-Infitar, le verset 10 à 12. Il dit, il y a des gardiens sur vous, kiraman katibin, qui sont nobles, des nobles scribes, et ils savent ce que vous faites. Donc ça, c'est un exemple dans ce verset-là. Puis il dit, parmi eux, il y a également les anges qui ont comme la responsabilité de porter le trône. Et d'autres qui sont responsables de transmettre la révélation, comme Jibril, alayhi salam, c'est lui qui transmet la révélation. Et il y en a d'autres qui s'occupent des gouttes d'eau, hein, qui tombent, et des plantes, de les faire pousser, comme Michael ou Michael. Et il y a aussi l'ange de la mort, et il n'a pas un nom spécifique qu'on connaît, nous on le connaît pas, mais on l'appelle l'ange de la mort, Malak al-Maut. Et avec lui, il y a d'autres anges aussi qui sont chargés de prendre les âmes des hommes à la mort. Et c'est pas le bonhomme là que ils font là, comme un squelette avec une grande écharpe noire puis un sceptre là, le bâton avec une faux, ouais c'est ça. On coupe le blé avec ça. Ok. Mais comme tu dis ce nom-là, il n'est pas authentique. Et il y a plein de noms dans les livres des soufis. Il y a dans les du'as, ils inventent des du'as, puis dans les du'as qu'ils inventent, ils inventent plein de noms d'anges qu'on n'a jamais entendus. Israfil, oui. Qui souffle dans la trompe. Oui, c'est ça. Ok. Ensuite, le cheikh, il dit, il y a d'autres catégories d'anges qu'on ne connaît pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Et personne ne connaît les régiments ou les armées de ton Seigneur excepté lui. Hein, donc Allah, il a beaucoup d'armées qu'on ne connaît pas. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise de ses créatures pour faire des armées. Et nous, on ne sait pas. Le cheikh, il dit الركن الثالث الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على الرسل فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب من عنده سبحانه بوحيه وشرائعه وأمره ونهيه منها التوراة ومنها الإنجيل ومنها الزبور ومنها القرآن ومنها كتب لم يذكرها الله لنا ولكننا نؤمن بها جملة ونؤمن بما ذكره الله باسمه مفصلا وآخرها وأعظمها القرآن الكريم الذي أعجز الثقلين الجن والإنس على أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. Le cheikh explique que comme troisième pilier, il y a la foi en les livres que Allah a fait descendre sur ses messagers. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé ses messagers et il leur a révélé des livres de sa part. Et il leur a révélé ces livres avec des révélations, des règles, des lois, des ordres, des interdictions. Parmi ces livres, il y a la Torah, il y a l'Injil, il y a Al-Zabur, il y a Al-Qur'an, et il y a aussi d'autres livres qui ont existé que Allah n'a pas mentionné. Et il faut y croire de façon générale, même si on ne les connaît pas avec leur nom spécifique, il faut croire de façon générale en ces livres-là. Et les livres que Allah a mentionnés de façon plus spécifique en mentionnant leur nom, alors ceux-là, il faut croire en leur nom et les détails que Allah a mentionnés à leur sujet. Le dernier d'entre les livres que Allah a révélé, c'est le dernier et le plus grand, le plus important, c'est le Coran, Al-Azim. Et il a défié, Allah subhanahu wa ta'ala a défié les djinns et les hommes de venir avec une seule surah semblable et ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont jamais été capables. Bon. Le cheikh, il dit, Ar-Rukn al-Rabi' al-Iman bil-Rasul, alladhina arsalahum Allah bi-shara'i'ihi wa zinihi li-hidayati khalqihi. الله جل وعلا أرسل الرسل ليبين للناس ما يضرهم وما ينفعهم ويبين لهم دينهم والله جل وعلا أقام الحجة بهم رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أما عددهم فلا يعلمهم إلا الله وهم كثيرون منهم من سمى الله لنا في قوله تعالى وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين فهؤلاء سماهم الله فنؤمن بهم بأعيانهم ومن لم يسميه الله نؤمن به جملة لشيخ الزي كم كثيا بني إلى الفعل مساجي كالله أنفوي avec ses législations et sa religion pour guider la création. Et Allah a envoyé les messagers pour clarifier pour les hommes ce qui est nuisible et ce qui est bénéfique pour eux, et pour leur clarifier pour eux leur religion. Allah a envoyé les messagers pour établir contre l'humanité la preuve. C'est pour établir la preuve contre l'humanité, comme il le dit dans le verset 165 dans Sourate An-Nisa. رسولا مبشرين ومنذرين الله il a envoyé les messagers en tant que annonciateurs et avertisseurs afin qu'après la venue des messagers il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah, c'est-à-dire que au jour de la résurrection personne n'aura d'argument à dire devant Allah parce que les messagers ont été envoyés et Allah est puissant et sage. Donc ça c'est le verset qui signifie que Allah il a envoyé les messagers pour établir la preuve contre l'humanité. Et il dit amma adaduhum, en ce qui concerne leur nombre, personne ne connaît leur nombre excepté Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils sont très nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala, il en a mentionné un certain nombre dans le Coran, comme par exemple le verset 83 à 86 dans sourate Al-An'am. 83 à 86 dans Surat Al-An'am, il y a une série de prophètes qui sont énumérés. Allah, il dit, tel est l'argument, il dit dans ça c'est la signification de ça, tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple, nous élevons en haut rang qui nous voulons, ton Seigneur est sage et omniscient. Et nous lui avons donné Ishaq et Yaqub, et nous les avons guidés tous les deux, hein. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant, et parmi les descendants d'Abraham ou de Noé, David, Salomon, Job, Ayoub, Joseph, Youssef, Moïse, Moussa et Aaron, Haroun. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Yahya, Isa, Jésus, et Isa ou Elias. Elias c'est Élie. Et tous étant du nombre des gens de bien. De même Ismaïl, Élisée c'est en arabe c'est Aliasa. Aliasa, c'est ça. En arabe, c'est Aliasa. Donc, ça, c'est Élisée. Aliasa. Et ensuite, Wayounus, c'est Jonas. Et Lot, Walouta. Chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. Donc, ça, c'est le verset qui décrit qui donne le nom de plusieurs d'entre les prophètes. Donc ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a nommés par leur nom. Et donc on doit croire en eux, chacun d'entre eux, personnellement on doit croire en eux parce qu'ils ont été nommés. Mais il y a d'autres prophètes qu'Allah a envoyés mais qu'il n'a pas nommés. Et on va voir les versets qui parlent de ça. الشيخ الذي وقال جل وعلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص ومنهم من لم نقصص عليك فمنهم فمنهم دونك فنؤمن بهم جميعا من سمى الله ومن لم يسمي منهم فمن كفر بنبي واحد كفر بالجميع فلا بد من الإيمان بهم جميعا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا والله جل وعلا قال قال لنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Donc le cheikh il explique, il dit que يعني dans le verset 78 dans sourate Ghafir, Allah il dit nous avons envoyé beaucoup de messagers avant toi. Parmi eux, il y en a au sujet desquels nous t'avons raconté leur histoire, et il y en a d'autres au sujet desquels nous n'avons pas mentionné l'histoire. Nous ne t'avons pas mentionné leur histoire. Donc on croit en tous les messagers qu'Allah a nommés. Et ceux qu'il n'a pas nommés, on croit en eux également. Mais bien entendu, on croit en eux de façon générale. Le frère, il a posé la question au sujet des prophètes. Est-ce que c'est bien de mentionner un nombre spécifique au sujet des prophètes, puis aussi au sujet des messagers? Il y en a qui mentionnent un nombre spécifique de prophètes et de messagers, et ils citent ça dans certains hadiths. Toutefois, il n'y a pas de hadith authentique, d'après ce que j'ai lu dans un autre livre des paroles d'un cheikh qui parlait de ça. Il disait, il n'y a pas un hadith authentique qui mentionne le nombre exact de prophètes ou de messagers. D'accord? Donc on ne peut pas dire le nombre exact. Et le cheikh il dit, on doit croire donc de façon générale en tous les messagers d'Allah, qu'ils aient été nommés ou non. Mais ceux qui ont été nommés, il faut croire en eux de façon plus spécifique. Celui qui rejette ou qui refuse de croire en un seul d'entre tous les messagers, eh bien c'est comme s'il a rejeté la foi en tous les messagers au complet. Parce qu'il faut croire en tous les messagers d'Allah et non pas en seulement en certains d'entre eux. Le cheikh il mentionne les versets 150 et 151 dans Sourate An-Nisa. Allah ta'ala dit, ceux qui rejettent la foi en Allah et au messager et qui veulent faire une distinction, ou qui veulent séparer la foi en Allah et la foi en ses messagers, et qui veulent dire on croit en certains d'entre eux et on rejette certains d'entre eux, et qui veulent prendre une voie entre ces deux choses-là, ceux-là, ils sont les vrais mécréants. Et ensuite, il mentionne le verset 136 dans Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dites, nous croyons en Allah, en ce qui a été révélé sur nous, et en ce qui a été révélé sur Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et les tribus, et ce qui a été donné à Moïse et à Issa, et ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre aucun d'entre eux, et nous sommes tous soumis à Allah. Ça c'est le verset 136 dans Al-Baqarah. Et des fois les gens ils posent la question, il y en a qui disent, mais pourquoi des fois vous dites que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur que les autres, alors qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit, لا نفرق بين أحد منهم. On ne fait pas de distinction entre aucun d'entre eux. Comme j'écoutais Cheikh Fawzan qui expliquait ça dernièrement, il disait, on ne fait pas de distinction dans le sens qu'on ne va pas dénigrer aucun prophète, on ne va pas mentionner aucun prophète d'une façon pour en dénigrer un autre. C'est ça que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont meilleurs que d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne même dans un verset dans Surat al-Baqarah, il dit, تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers, certains d'entre eux, il a préféré sur d'autres. Minhum man kallam Allah. parmi eux, il y en a qui Allah, à qui Allah a parlé, comme Moussa, alayhi salam. Ça, c'est son mérite, hein, qu'aucun autre messager n'a eu équivalent que ça. Hein. Donc, c'est des exemples. Après, le cheikh, il dit, Ar-Rukn al-Khamis, le cinquième pilier, c'est Al-Iman bil-Yawm al-Akhir, wa huwa al-Ba'th ba'd al-Mawt. لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء والدنيا مزرعة للآخرة فهي دار عمل وليس فيها جزاء والآخرة دار جزاء وليس فيها عمل ولا بد من الإيمان باليوم الآخر ومن لم يؤمن باليوم الآخر فهو كافر قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم أيها الإنسان تعيش في هذه الدنيا وتأكل وتشرب وتكفر وتفسق كأنه ليس أمامك بعث ولا وحساب وجزاء فالله جل وعلا جعل الآخرة للجزاء وهذا عدل منه سبحانه وأنه لا يضيع عمل العاملين يجازي كلا بعمله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فلو لم يكن هناك بعث لصار الخلق عبثا والله منزه عن العبث الشيخ الزي الشيخ الزي comme cinquième pilier la foi au jour dernier et c'est la foi en la résurrection après la mort parce que la dunya c'est une demeure pour l'action, tandis que l'au-delà, c'est une demeure qui va être pour la récompense et la rétribution. Donc la dunya, on peut dire que c'est le champ qu'on laboure pour l'au-delà. Hein? Donc c'est comme si dans cette vie, on est un cultivateur, on sème sur notre champ, et dans l'au-delà, on va récolter qu'est-ce qu'on a semé. Hein? C'est ça qu'on dit souvent. On récolte ce que l'on sème. Hein, et ben c'est comme ça ce qui a rapport avec avec la vie d'ici-bas. On est comme dans un champ et le travail qu'on fait dans notre religion et dans notre foi pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si on est en train de semer. Et quand on fait du mal, on est en train de semer des graines, mais des choses pour le mal. Et au jour de la résurrection, on va recevoir qu'est-ce qu'on a semé. Hein? Donc c'est al-mazra'at al-akhirah. Le cheikh dit que cette demeure dans cette vie, c'est une demeure qui a été créée pour l'action, pour le travail. Et il n'y a pas de récompense dedans. Et dans l'au-delà, c'est une demeure qui a été créée pour la rétribution et il n'y a pas d'action dedans. On ne va pas te demander dans l'au-delà de faire quelque chose. On ne va pas te demander de faire quelque chose. C'est la rétribution que tu vas avoir, c'est-à-dire là, tu vas être en train de recevoir soit le châtiment, soit la récompense pour qu'est-ce que tu as fait. Le cheikh, il dit, il faut absolument croire hein, le jour dernier. Celui qui ne croit pas au jour dernier, alors il est kafir. Hein? Quelqu'un pourrait dire, moi je crois en tout dans l'islam, sauf que je ne crois pas en l'au-delà ou en le jour dernier. Celui-là n'est pas musulman, même s'il fait les prières 5 fois par jour. Même s'il fait le hajj, même s'il dit la ilaha illallah, s'il ne croit pas en yom al-akhir, il n'est pas musulman. Hein? Donc ça, c'est très important. Et le cheikh, il dit, il mentionne la preuve de ça, il mentionne le verset 7 dans Sourate Tahabun. Hein? Ceux qui ont mécru, ils ont pensé ou ils s'imaginent qu'ils ne vont pas être ressuscités. Dis, certes, par ton Seigneur, vous allez être ressuscités et on va vous informer de ce que vous avez fait. Donc il dit, ô toi, être humain. Tu vis dans cette vie, tu manges, tu bois, tu rejettes la foi, tu fais des péchés, tu désobéis à ton Créateur, comme s'il n'y avait pas devant toi une résurrection, des comptes et une rétribution. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'au-delà pour la rétribution. Et ça, c'est de la justice de sa part, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait jamais perdre à ceux qui ont fait les actions le bien de leurs actions qu'ils ont fait. Hein, il va jamais faire gaspiller les efforts et les actions des gens. Et le verset 7, Après, le chef, il dit donc, est-ce que il mentionne un verset que Allah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 115 dans sourate Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que vous croyez qu'on vous a créé comme ça pour rien et que vous n'allez pas nous revenir, hein? C'est quoi abas? C'est quand tu fais quelque chose sans aucune raison, pour rien, hein? Parce qu'Allah il dit, est-ce que vous pensez qu'on vous a créé pour rien comme ça, hein? Et que vous n'allez pas être ramené vers nous? Donc le cheikh il dit, s'il n'y avait pas de résurrection, alors la création, tous, hein, ça, oui, comme ceux qui disent par exemple que c'est le hasard qui est à l'origine de notre existence. Donc si c'était ça, hein, si c'était qu'il n'y avait pas de but et qu'il n'y avait pas de raison pour notre création, eh bien, ça voudrait dire que la création n'aurait aucune destinée, aucun but, aucun objectif. Et donc, ça, ce serait insensé. Hein. Et donc, on n'a pas le droit de décrire Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'il fait quelque chose d'insensé. Et donc, Allah est purifié de ce genre de caractéristiques qui ne lui est pas convenable. Ça ne peut pas lui être attribué. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est hakim, il est sage. Hein? Il ne fait les choses que par une grande sagesse. Ok? Ensuite, le cheikh il dit, الركن السادس الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر والقدر هو سر الله جل وعلا والقدر هو ما قدره الله مما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة جرى القلم بالمقادير كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة فلا يقع شيء إلا بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر فالأمور ليست عبثا وأنفا بل هي مقدرة مقدرة من قبل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها قوله كتاب وهو اللوح المحفوظ وقوله من قبل أن نبرأها يعني نخلقها ونوجدها. Le cheikh il dit que sixième pilier c'est la foi en la prédestination, al qadar. Et al qadar c'est le secret d'Allah jalla wa ala. Et le qadar c'est ce que Allah a prédestiné de ce qui est et de ce qui va être jusqu'au jour de l'heure du jugement dernier. Et tout ça, ça a été écrit par la plume. Hein, la prédestinée de l'univers a été écrite. Et ça a été écrit dans la table préservée. Hein, et tout ce qui va arriver jusqu'au jour de la résurrection, il est écrit là-dedans. Et donc, il n'y a rien qui arrive excepté que c'était prédestiné et prédéterminé. Il mentionne le verset 49 dans Sourate Al-Qamar qui dit « Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar » Nous avons créé toute chose selon une juste mesure et c'est-à-dire il a tout prédestiné. Toute chose a été prédestinée. Le cheikh dit ensuite « Fal umur » Donc les choses ne sont pas comme ça faites pour rien ou par hasard. Non, elles sont toutes prédestinées avant même qu'elles soient créées. Et il mentionne le verset 22 dans Sourate Al-Hadid qui est un verset qui prouve notre croyance en Al-Qada ou Al-Qadar. Il mentionne ici ce verset qui dit « Il n'y a rien, il n'y a pas un malheur qui vous touche, il n'y a pas un malheur qui touche, soit sur la terre ou en vous-même, excepté que c'est dans un livre, avant même qu'on l'ait créé. » Et donc le cheikh il dit, dans ce verset-là, c'est kitab, dans un livre, on parle de Al-Lawh Al-Mahfouz. Et min qabli an nabra'aha, c'est-à-dire avant qu'on l'ait créé, bari'a. On appelle Allah comment Al-Bari'. Pourquoi on l'appelle Al-Bari'? Parce que ça veut dire le créateur. Et min qabli an nabra'aha, c'est-à-dire avant qu'on l'ait créé. Ok? Ensuite, le cheikh il dit, الإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله جل وعلا الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء، أي نعتقد أن الله علم كل شيء، علم ما كان وما يكون. Donc le cheikh il dit que l'iman bil qadar il est basé sur quatre degrés. Le premier degré c'est de croire en la science d'Allah jalla wa ala, qui est la science infinie, éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui enveloppe toute chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on croit que il a la science de toute chose, il sait ce qui est, ce qui était et ce qui va être, le passé et l'avenir. دوزيام المرتبة الثانية الإيمان بالله، الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. لدوزيام بيليه أو لدوزيام دغري سي دو كوار كو الله a tout écrit dans les tables préservées ce qui va se produire jusqu'au jour de la résurrection, au jour dernier. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة، ما شاء الله ما شاءه الله كان وما لم يشاء لم يكن. Le cheikh il dit que le troisième degré ou troisième niveau c'est de croire en la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est de croire que tout ce que Allah veut c'est ce qui existe, et ce qu'il ne veut pas il n'existe pas. Donc, il n'y a rien excepté ce que Allah veut. Il n'y a rien qui existe excepté ce que Allah veut. Hein? Et il mentionne comme quatrième degré, al-martabatu rabi'a, martabatu khalqi al-ashya, fi awqatiha al-muqaddara. Hein? Martabatu khalqi al-ashya, fi awqatiha al-muqaddara. Al-muqaddara tilaha, kullu shay'in fi waqtih, وكل شيء في حينه الذي قدره الله جل وعلا. لا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق والإيجاد، وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. الشيخ يقول que le troisième degré c'est le degré العلم والكتابة والمشيئة والخلق. اوكي okay. Et الرابعة c'est de croire que Allah a tout créé. Il n'y a rien qui existe excepté que c'est Allah qui l'a créé, et il connaît le temps. Hein, il a, c'est lui qui a prédestiné les choses dans le temps également. Chaque chose en son temps. Et tout ça, ça a été prédestiné par Allah. Donc il faut absolument croire en ces quatre degrés-là. La science, le degré de l'écriture, qu'Allah a tout écrit, le degré de la volonté, et le degré de la création, et donc tout ce qui existe est créé par Allah. Et ça c'est un résumé de la foi en Al-Qadar ou Al-Qadar, et un résumé de la foi, des six piliers de la foi. Donc on a maintenant terminé en ce qui concerne l'Iman, la foi en les six articles de la foi. Est-ce que vous voulez qu'on arrête ici ou bien vous voulez qu'on continue? Ouais, parce que là ça fait compléter un sujet. Oui. Ok, d'accord. On va s'arrêter ici, puis on continue demain pour la suite, inshallah. Ok. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.